Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle de Sasquatch, de zombies et de linguistique. Vous êtes à 70%. Alors, bienvenue à 70%. Vos chroniqueurs ce soir, Florence Payette, Jonathan Simon, Damien Blaise Bouchard, Jean-Sébastien Godet ou Éric Carmen peut-être, et Coralie Laperrière. On est à 70%. Très content de vous revoir pour un autre lundi magique. Mon nom est Tommy Godette et je suis animateur depuis tellement d'années. Ça va bien, Bruno? Oui. C'est une grande soirée. Je vois que tu as sorti ton gilet avec un chien. Oui. Est-ce qu'il y a un nom particulier? Rox. Rox, j'aime ouais. Ça. J'aime ça. On lui dit salut. Est-ce ouais. que tu as remarqué? On a une invitée juste à ma gauche. Oui, Arnaud. Oui, j'avais remarqué. Salut, ouais. Léane. On Hello. Pourrait applaudir Léane Labrèche d'Or. Tout le monde, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. C'est trop. C'est, oh oui, trop. Ben oui. C'est super gentil d'être venu nous voir. Ça fait full plaisir. C'était sur mon chemin. Ben oui, j'ai entendu dire que tu as un rendez-vous particulier tantôt. Y a-t-il comme un scoop que tu peux nous révéler là? Ou... c'est mon entraîneur. C'était la seule fois de la semaine où je pouvais le voir. Enfin, dans le fond, tu nous invites à nous abonner à ton Instagram. Exactement. Vous okay, allez voir ça. Des photos de mes pipes dans très peu de temps. Et puis, quand t'es rentré, j'ai fait quand même le truculent jeu de mots, la femme d'or. Mm. Et tu m'as dit que ça t'a fait plaisir. Mais on le dit pas souvent, on le dit pas assez. Ben oui, moi, je suis ça, un trésor. J'aimerais ça que les gens le remarquent. Oh, ben, humblement, qu'elle dit. Oui, hein? Oui. Là, on te connaît parce que t'es à vrac, t'es un petit peu partout. Genre, là, comme tu viens d'embarquer dans ta fusée, puis il faut que le décollage se fasse de la bonne manière. Oui, on croise les doigts pour que tous les astronautes avec moi me donnent beaucoup de jus. Embarquer dans ma métaphore. Moi, je te suis là-dedans, je me dis tout ce qui est spatial, ça me parle. Mais ouais, en fait, c'est un peu épeurant des fois, des moments de même en début, entre gros guillemets, je l'ai fait avec mes doigts pour ceux qui ne me voient pas, je le dis, gros début visuel. De carrière, là, tu sais, tu te fais « ok, mais là ça va bien, mais combien de temps? » Puis, mais là, toi, tu dis que tu es au début, mais t'as étudié le théâtre et tout, là. Ouais. C'est pas nouveau pour toi, là. Non. Puis c'est quand même 4 ans d'études, le théâtre, fait que... C'est apprécié, hein? Je suis déjà tannée. C'est-tu le bout le plus tough d'apprendre les affaires par cœur? Ou, me semble, moi, c'est ça qui me fait peur. Ça dépend peur, vraiment des gens. Il y a des gens pour qui c'est super facile, d'autres, c'est ce qui est le plus dur. Quand tu dis « déjà », c'est parce que toi, c'était plus dur, hein? Oh non, moi, ça va assez bien. J'ai une mémoire visuelle, comme je peux... Tu sais, j'ai un bon sens de l'orientation. Les femmes, hein? Mais moi, photographique, je serais une bonne espionne. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui s'écœurent après leurs 4 ans d'études en théâtre quand on en voit autant à être waitress dans des restaurants, tu sais. Ben, c'est-à-dire que c'est le running gag que je faisais toujours. Tu travailles dans quel resto, là? Ben, c'est ça, 3 Brasseurs, très longtemps. Très longtemps, 3 Brasseurs dans le Vieux-Port. Puis par la suite, au Vert Bouteille, là, j'étais plus... plus barmaid, il y a comme un... Tu gravis les échelons. Ah oui, hein? Oui, oui. Ouais. C'est plus... Non, j'étais pour dire les clients sont plus désagréables, mais c'est plus payant sur le type, mais je pense pas que c'est sine qua non comme ça, la vie. Non, non. J'ai fait le Subway. Au prorata, c'est pire partout. Et voilà. Et puis sinon, là, on parle de comédienne, mais t'es aussi comme animatrice. Tu t'occupes de toutes sortes de volets, humoriste aussi. Je t'ai proposé un stand-up. T'as dit, je pourrais m'écrire quelque chose. Ben, j'ai déjà testé des petits stand-up, ça et là. OK. Mais c'est pas quelque chose que je ferais nécessairement parce que j'ai pas le courage d'être soliste toute ma vie. En fait, j'admire beaucoup les humoristes pour ça. Ah ouais, le feeling tout seul sur le stage, tous les spots dessus, puis être capable de se rappeler son texte, ces affaires-là. Moi, je me dis, au pire, si je me plante, en général, il y a quelqu'un qui va venir me sauver. Tu sais, quand tu fais une pièce de théâtre, tu as un blanc ou quoi que ce soit, il y a toujours un bon ami à côté qui fait « N'étiez-vous pas en train de me dire que votre thé était chaud? » Sire, c'était cela que j'avais en tête. Je vais te continuer. Mais je trouve que humoriste, c'est vraiment, ça prend énormément de courage. Est-ce que tu viens de m'apprendre qu'un bon acteur au théâtre connaît aussi le texte des autres? Ben, tu finis par le connaître un peu. Ouais, là. Genre, comme notre père qui est aux cieux que donne-nous notre nom. Je m'en rappelle plus. Ouais. Wow, je me suis débrainwashé! Si, c'est bon, ça. On se reprendra à un moment donné. Est-ce que ça, c'est très important? Écoute, les gens sont assis sur le bout de leur siège. Tout le monde veut le savoir. Il y a du monde en France qui nous écoute. Ouais, on les salue d'ailleurs. Est-ce que tu joues à Magic? Non. Sais-tu quoi? J'ai joué. T'as quelque chose en commun avec Daniel Ouimet? On est pareil! Daniel Ouimet non plus joue pas à Magic. Non, mais il paraît que ça y a jamais tenté aussi. Hein, non, moi, ça m'a tenté. Ça m'a tenté, mais avec mes voisins, j'étais comme celle qui comprenait moins le jeu, fait que j'arrêtais pas de me faire fourrer dans les échanges de cartes. Je me suis tannée. Tu t'es déjà acheté des cartes de Magic. Mais oui, mais j'ai un grand frère, moi, il m'a tout appris. High five. Tu jouais à quelle couleur? Genre bleu, là, genre moi, j'étais plus aquatique. Ah ouais? High five encore! Un slow deck bleu. Ça, après, si on jase Magic, mais là... Les Pokémon aussi étaient plus aquatiques. Mais n'importe quand, Squirtle par-dessus Charmander, t'es en train de me dire. Mais oui! Hein? Mais Squirtle? Oui. Squirtle. Hein, le monde qui sent qu'il reste pas dans la salle. Ouais, c'est ça. Blastoise. On peut tous les nommer les évolutions. Et puis sinon, ben là, on parle de jeux vidéo. T'as l'air d'être une fan de jeux vidéo. Moi, il a fallu que j'arrête de jouer aux jeux vidéo, spécialement les RPG, parce que ça... RPG, role-playing game, là, les jeux dont vous êtes le héros. On file, t'es à la bonne place. Parce que ça minait un peu ma vie. Je me levais, je mettais un cadran plus tôt avant de partir à l'école pour jouer. Je laissais ma console sur pause, ce qui est vraiment pas bon à faire pour une console. Je revenais le midi, je jouais 15 minutes, là, le temps que je revienne de l'école à vélo. Puis tu y pensais aussi en revenant. Ouais, tout, là, j'étais comme, OK, fait que là, il y a le boss que j'ai pas réussi à tuer ce matin. Il va falloir que, OK, je vais faire ça, je vais utiliser telle affaire. C'est quel ton RPG préféré? Ah, Final Fantasy, la gang. Ah ouais? Lequel? Ben, c'est sûr que le 7, c'est comme... Mais moi, j'ai préféré le 10. C'est bon, OK. 10, ça passe, on peut applaudir. Okay, mais c'est pourquoi bon. Vous aimez pas vous le 7? Pouvez... Ben non, c'est sûr que non. Voyons donc, la course de Chocobo, le loading, il y a 5 armes différentes. Le matériel plus fort, tu le pognes à la fin, t'as tout fait les AP déjà. Hey. Puis le méchant reste une météorite tout le fucking long du jeu. Mais ben, comme tous les méchants, rien, t'as jamais vu Armageddon. C'est vrai que tous les méchants, c'est des méchants. Armageddon, c'est un météorite. Mais c'est un méchant. Mais ouais, non, moi je trouve que Materia, c'est un des systèmes les plus le fun à contrôler. Le système de mais c'était bien mieux déjà dans le 10 puis dans le 9 aussi. Là, t'équipais des équipements. Mais dans le 10, les batailles étaient le fun en chien-vache. C'est ça. OK, c'est bon. Ouais. En chien-vache. En chien-vache. Je pense qu'on va y aller. Voilà. C'est ta première fois, 70%. Oui. À partir de maintenant, en tant qu'invité, toi, ton micro, il marche tout le temps. Fait que commente, critique, donne-nous des trucs pour qu'on s'améliore. Sinon, à partir de maintenant, il va y avoir des chroniqueurs qui vont pivoter au micro. J'adore les chroniqueurs. Pas en général. Ouais, OK, c'est bon. T'es mieux de te garder une zone grise. D'accord. Là-dessus, ben, je pense qu'on est prêt. Est-ce qu'on est prêt? Moi, je suis toute prête. Léane a dit qu'on est prêt. Let's go, Nick. Bonsoir, vos manchettes nationales et internationales avec Bruno Corbin. Trois hommes se sont présentés dans un dépanneur de Boston pour y commettre un vol à main armée. Oh yeah! Oh yeah! Vol de dépanneur! Oh yeah! On commence à moins 6. Vol de dépanneur, moins 6. OK. Après être partis avec l'argent de la caisse, les trois hommes ont été arrêtés par la police environ une heure plus tard. Ils ont été identifiés grâce au bracelet GPS qui traque leurs mouvements en tout temps et qu'ils portaient suite à une sentence précédente. Fait que là, eux autres, il y avait comme trois rouleaux de 25 cents, puis 20 piastres en 2 piastres. Fait que là, ils ont... Puis là, vu qu'ils se baignaient dans leur larcin, il y a cette petite gang de caves. Ils ont plaidé non coupables aux accusations de vol à main armée. Les trois, hein? J'ai hâte de voir lequel va craquer parce qu'ils se font interroger un après l'autre. Là. Ça doit être tellement drôle. En plus d'une caution élevée à très élevée de 200 000 $ pour deux des hommes et de 50 000 $ pour le troisième, le juge leur a ordonné de ne pas se revoir s'ils payaient leur caution et qu'encore une fois, que leur mouvement soit traqué par des bracelets GPS. Il paraît que lorsqu'ils sont rentrés dans la salle d'interrogatoire, ils ont essayé de rentrer les trois en même temps dans la porte. Là. Ça rentrait pas. Les nains, ils reculaient, ils leur ont donné une tape chacun sur la tête. Là. Hey, j'adore les vols de dépanneurs. Moi les vols de dépanneurs, c'est la les gang, plus belles c'est nouvelles. Vraiment là qu'il faut aller prendre tout l'argent dans un dep. C'est make sûr. It rain, make it moi, rain. J'en manque, je veux ne pas me faire remarquer, je veux faire quelque chose maintenant. Écoute, il fallait qu'ils prennent une douche proactif. D'argent. Proactif. Proactif. Décision, corps de taux. Next. Plusieurs Saskatchewanais désirent qu'un annonceur de Fox Sports se rétracte quant à son affirmation sur l'origine du nom de leur province, la Saskatchewan. En effet, le commentateur sportif pour la NBA a affirmé mercredi dernier que la province tenait son nom du grand nombre de Sasquatch, créatures mythiques, aussi appelées Bigfoot, qui habitent la province. Pour, j'avais jamais fait de lien entre les deux. Pour l'information, le nom Saskatchewan, vient du mot cri qui veut dire là où on peut observer un caribou se sauver pendant 4 jours. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu te rétractes toi aussi. Oui, on m'affirme effectivement dans mon oreillette. La province vient d'appeler. Que le terme fâchés. Veut effectivement dire rivière qui coule rapidement. Chris Rutowski, un expert du Manitoba, un expert en quoi, on n'est pas sûr, ajoute qu'il y a moins de Sasquatch observés en Saskatchewan que dans plusieurs autres régions du Nord-Ouest. L'État de Washington est en fait l'endroit où on observe le plus de Sasquatch par année, c'est-à-dire 617. Sasquatch. Et là, le c'est Sasquatch, des importantes, ça existe pas. Attends, il y a des sceptiques. On a... 617 par année, ça veut dire 2 Sasquatch par jour minimum. Ouais. Qu'on voit à Washington. Et malgré le fait que tout le monde poste des photos de leur lunch de l'avant-midi sur Instagram, on n'a aucune photo du dit Sasquatch. Ouais, ça, sa vie en bordure des cadres de caméra et dans les zones floues de ton focus. C'est l'habitat naturel. Apparemment, je fais comme un vampire. Ça apparaît pas sur photo ou dans un miroir. Tu les vois jamais. Pratique. Let's go next. Où le texto suivant a été retrouvé. OMG, j'essayais de te texter et je suis rentré dans une voiture de police. Encore une fois, 70% vous rappelle de ne pas texter en conduisant, mais que si vous le faites, soyez divertissant. Hey, ça en est une belle. Merci Bruno, finis ton premier bloc. Oui. Parfait, de toute beauté. Et ça nous rappelle un petit peu 70%, le nom du show. Oui. Faut pas viser la perfection. T'es mieux d'essayer quelque chose et accepter ton erreur, qu'on puisse rire de toi, tout le monde ensemble, puis on passe à la prochaine étape. J'adore ça. C'est comme ça que je vis au jour le jour. J'aime ça. Je vise 25-30%. Si j'arrive à 50, je me dis « Yay! » Et ça apprécie. On monte la barre à 70 la prochaine fois. 50%, c'est son 70%. C'est ça, peut-être, dans le fond. J'étais en train de juger, puis c'est pas la méthode 70%. Bon, on est content que tu sois avec nous, ça, c'est sûr. Dis à Nick de passer au prochain. Hey Nick, passons au prochain. Elle est meilleure que l'autre, elle. Ouais. Allô? Ça marche-tu? Ça marche. Ça marche. Ça marche. On est avec toi, Florence. Florence Payette, mesdames, messieurs. Allô? Allô? Qui a été porté, on le rappelle, c'est une chanson qui vient d'un film de Jean-Claude Védé. Oui, bien sûr. Bloodsport. Oui, c'est une inspiration, hein, c'est un mentor. Ah, oui, c'est un mentor pour moi tous les jours du Van Damme. Et voilà. Alors, pour vous, comme nous sommes le surlendemain de la veille de la Saint-Valentin, je trouve ça important de souligner la fête de l'amour en visionnant un film de sci-fi prénommé « La cinquième vague ». Parce que je suis en amour avec ce genre-là. Puis qu'en plus... Ça fit. Oui, ça fit. Puis qu'en plus, il y a un triangle amoureux dedans, ça fait que tout est dans tout. Donc, attention aux spoils. Résumé. Des extraterrestres viennent se perdre dans notre système solaire parce que script, puis décident que les humains sont un peu trop des gros glands. Fait que nous éliminer, c'est le plan le moins foireux qu'ils ont trouvé. avec 5 vagues, d'ailleurs, l'élimination des humains. La première, c'est une coupe d'estricité. La deuxième, c'est les tsunamis puis les tremblements de terre. La troisième, c'est un virus. La quatrième, c'est l'invasion. Puis la cinquième, le profit. Genre. C'est la fin du l'argent, film. Ouais. L'argent, oui. L'argent, ça. Il aurait dû commencer par ça. Ça a fait ses preuves avec les humains, ça. Ça, oui. Ouais. Tout à fait. Il y a, tu mènes pour... quelques études avant d'envahir... Ben, tu regardes tous les films catastrophes puis tu essaies de toutes les copier. Puis anyway, si tu fais des tremblements de terre puis des tsunamis, là, ouais, t'as gagné. Ou pas. Tu peux en refaire un autre, genre, ouais, si t'as pas encore gagné. Ouais, moi non plus, je suis pas sûr de catcher pourquoi tu ferais pas juste ça. T'sais. C'est ça, on peut juste... Non, mais c'est peut-être l'amélioration. Y a-tu encore, ça grouille-tu encore? On en refait un autre. C'est peut-être comme le Kraken, tu sais, ça prend beaucoup de mana à chaque fois. Ouais, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Hein, on parlait de mana bleu tantôt, ouais, ouais. J'adore. T'as besoin... Faut que t'attendes ton untap pour faire tes tsunamis. Untap. Alors, voici le résumé, fin fond de la chose. On suit une jeune fille de 16 ans, interprétée par Chloé Grace Moretz. Pour ceux qui la connaissent pas de nom, elle jouait dans quelque chose. C'est ça. C'est It Girl. Qui veut retrouver son frère et, accessoirement, son kick du secondaire dans un monde en guerre contre des extraterrestres. C'est moins Independence Day, puis plus The Host. Pour ceux qui connaissent, c'est on comme... On se recolisse de ces quêtes! C'est la chose la plus importante à suivre. Oui, je okay. sais que tu t'en calisses, mais tu vas le voir. Oui, oui, elle va retomber en amour, c'est important. Elle va retomber en amour. Alors, on a notre équipe, la fille blonde de 16 ans qui réfléchit peu ou pas, le gars que la fille blonde trouve cute, l'autre gars que la fille blonde trouve cute, le frère de la fille blonde, puis d'autres personnages dont on n'est pas supposé se calisser. Puis le frère de la fille blonde, juste pour checker... Il y a 5 ans. Il est tu... Ah, OK, fait qu'il est pas cute. Bien, il est cute pour un petit peu de 5 ans. Ben, c'est ça. C'est-tu lui qui a comme le... À place d'avoir un chien, c'est comme lui, là, genre. Genre. Ouais, il se cache en dessous de la table, il survit. Genre, oui. il est vulnérable. Oui, là, il est invulnérable. C'est ça. C'est important. C'est le petit gars de par son innocence. Oh oui. Et voilà. Moi, j'ai on comprend notre Hollywood. Oui. C'est qui l'autre gars qu'elle trouve cute? Parce qu'il y a son couple secondaire. Non, mais... Ben mais c'est regarde, l'autre gars que le gars qu'elle trouve cute. Il y a les affaires tristes là, de la vie, la mort, tout ça, mais c'est qui l'autre gars? Ben c'est entre la vie, la mort, puis elle trouve un autre gars, puis il se passe quelque chose, puis elle essaie de continuer J'te sa quête. Je te bête que c'est un envoyé des extraterrestres ouais, pour copier ça. Evangelion, là, le dernier round. Attends, laisse-la faire sa chronique. On t'écoute. OK. C'est bon. Donc, ce que j'ai appris, les États-Unis attirent les extraterrestres. Oui. Être parent te rend vulnérable à la mort. Oui. On peut brouiller les senseurs des vaisseaux extraterrestres en courant comme des épées dans les bois. Oui. C'est... Oh, oui, ça marche. Tu passes à côté d'une biche, puis te perds. Oui. Tu as un tronc d'arbre mort, puis... That's it. Nos radars sont trop précis. Ils sont trop précis, oh mon Dieu, que faire? Tu sais, oh, un hibou, oh, une jeune fille, même combat. Être cute te rend automatiquement désirable aux yeux des extraterrestres de ton âge. Oh! C'est lui, l'autre gars! C'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. I knew it. Avoir du maquillage de raton laveur te donne le pouvoir de savoir quand des kids de 10 ans te reluquent les fesses. C'est, y a aucun point là-dedans, c'est juste... C'est ce que t'as appris, c'est weird. Tout. Voilà. Zombie, c'est le nom que tu vas avoir si t'as l'air d'avoir des cernes maquillées. Les mauvais effets CGI font d'excellents aliens. En général, de plus en plus aussi. Battre l'extraterrestre, Laser Quest, même combat. Le maquillage et les mises en plis rendent invulnérable. Avoir entre 10 et 17 ans te donne le super pouvoir de déjouer des aliens qui ont traversé l'espace-temps ou qui n'ont pas pensé à leur plan entre-temps. Pas eu le temps. Ils ont... Ben non, c'est ça, ils n'ont pas eu le temps. Ils ont traversé tellement... Ils ont traversé l'espace-temps. T'sais, des années-lumière qui ont traversé. Let's go. Tu sais, écoute... Ça laisse pas le temps d'élaborer grand-chose. Ben non, mais tu le traverses. Là, dérange-moi pas, je traverse l'espace-temps, là, OK? OK, gang, dès qu'on arrive là-bas, on fait... Ah, si, on est là! C'est plan 1, faire 5 vagues, OK, c'est bon. Donc, je reviens à mes tsunamis. On tue, ben écoute, moi, je comprends pas encore pourquoi il y a d'autres vagues après celle-là. Il y en a plus. Ben, il y a plus de vagues dans les tsunamis après. Donc, les tsunamis aiment pas les bâtiments connus, genre le Tower Bridge ou New York. Ils commencent tout le temps par eux autres. Ouais. Ouais, ouais, c'est, ça mine la morale. Ouais. Les catastrophes naturelles veulent attaquer notre morale en premier. Ouais, moi, je me demande toujours s'ils vont attaquer, comme, je sais pas moi, l'hôtel Dieu ou quelque chose ici. Là. Oh, ils pourraient nous débarrasser du stade, puis on aurait la crise de paix. Ah, ça, que l'eau va se rentrer dedans. Ça serait possible. Les tsunamis aiment pas la les toile survit aux tsunamis. L'humanité est sauvée par la toile. On peint un gros drapeau américain dessus là. Ok, on tue. Désolé, c'est un bel aparté. Hein. On t'aime, Stade. On a hâte que tu quittes la maison, par contre. Oui. Les tsunamis aiment pas les Thaïlandais non plus. Là, je colle le hashtag racisme. Se tenir debout en regardant un tsunami ne fera pas ralentir le tsunami. Je parle beaucoup trop de tsunami. Pourrait-on dire que j'aime ça? Et retour à la thématique de la Saint-Valentin. Wink. Se faire tirer dans la cuisse baisse ton niveau de QI et continue, et diminue le jeu d'acteur de ta contrepartie. Mm. Ouais, se faire blesser dans la jambe, ça rend tout le monde comme puis il continue plus. Se battre contre des extraterrestres fera en sorte que ton gun tire en faisant des piou-piou-piou. Ça, ouais. J'aime ça. Oui. Yes, sir. Ça s'appelle. Rends-tu là, ça s'appelle plus un gun, ça s'appelle un lance-piou. Un lance-piou. Un lance-piou. Ça a pas mal le même effet. Oui, tout à fait. Souvent, ça laisse comme une traînée de couleurs, puis tu peux l'éviter, là. Ouais. C'est ça, les lance-pio. Ouais, malheureusement, pas là. Piu, piu, piu. Let's go. Piu, piu, piu, ça a tué des bières. S'habiller en camouflage fait arrêter de boiter. Oui. Mais c'est peut-être le montage, parce que sûrement qu'il y a eu un montage entre le moment qu'il était en camouflage puis le moment qu'il l'était pas. Non, c'est comme un truc d'une journée. Là. C'est entre 24 heures, tu t'habilles en camouflage. C'est comme un cure light wound de prêtre. Fait que là, c'est bon. Ouais, c'est à se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas des habits de camouflage au Québec dans les hôpitaux, mais c'est mais plus de caca en dessous de tes yeux. Pourquoi pas? On l'a pas essayé, celle-là. Ça vaudrait peut-être la peine. Se faire sauver par un dude cute sert juste à avoir le dude cute en chest. Parce que c'est à ça qui sert. Ben là, t'as pas appris ça dans ce film-là, certain. Là. Non, pas juste dans ce film-là. Là. C'est juste pour confirmer j'ai appris. Les bases militaires américaines ressemblent beaucoup trop à des modèles réduits de bases militaires américaines dans des films d'extraterrestres. se faire attaquer dans les bois ne servira qu'à faire une déclaration d'amour forcée et à forte dose de malaise, et dans le film et dans la salle. Ouais, c'est un film 3D, tout est comme pogné là, dans le film, dans ta face. Enlever des enfants et entraîner des enfants mènera à la vengeance des enfants. Hein, une thématique qu'on voit. Ugh. Enlèvement, entraînement, vengeance. Ouais, ouais. Parce que tu peux pas être trop jeune pour avoir des flashbacks de guerre. T'sais. Non. Non. Surtout pas contre des extraterrestres. Ouais, surtout pas contre des. Ouais. J'aime mieux la phrase tu peux pas être trop jeune pour avoir des flashbacks du Vietnam. Ça, c'est une belle phrase. Ça, c'est une belle phrase. Je pense que je vais la garder en banque. Je t'en prie. Flashback du Vietnam, anyway, c'est la réponse à tout. On jouait hier à Cards Against Humanity, puis ça aurait gagné tout le temps. Fair enough. Traverser des années-lumière jusqu'à une planète couverte de tarlats à exterminer t'aide à tirer tout croche. Oui. Poser des questions, c'est pour les faibles. Oui. Et appeler le plus jeune de la gang par un de mes mots préférés, c'est-à-dire croquette, ça te rend encore plus féroce qu'avant. Croquette. Croquette. Croquette. Tu l'as vu en français. Ben oui. Ah oui, ben oui, ben oui. Ça rajoute un étage de monde qui s'en crisse. C'est j'adore. Ça, c'est précis. Mais je me demande vraiment, c'était quoi en anglais? Si ben ça devrait être une référence. C'est une nugget. Ah, fait que c'est une traduction québécoise. Wow. Yep. Croquette. Wow. Ouais, ça aurait été bouché de poulet. Bouché de poulet. T'as 5 ans, tu t'appelles bouché de poulet. Écoute. Pépite. Bref, une belle comédie sci-fi avec triangle amoureux alloué au Vidéoclub Torrent. On voit plein d'affaires qu'on a déjà vues des milliers de fois avec des dialogues aussi intéressants que des biscuits soda sec. Genre, je sais que je ne suis pas comme eux. Je suis humain quand tu m'as fait comprendre c'était quoi l'amour. Fait que là, c'est le cul-tête de Chloé Moretz qui sauve l'humanité, dans le fond. Qui sauve l'humanité, pas vraiment. C'est... Non, ça finit sur une note douce amère où on qui le sait va pas trop. Une suite. Qui va avoir une suite. Et deux suites, genre. Ah, allez, tout. Yes! Allez, tout chier. J'ai assez hâte de t'entendre parler des deux suites. Yes! Mais fait que là, il va avoir une sixième vague ou une deuxième, cinquième vague. Là. Ah, il explique tout, c'est quoi la cinquième vague, mais ça veut dire plus profond que ça l'est déjà. Ouais, attends, dans... la cinquième vague, c'est-tu l'amour? Non. Comme le cinquième élément? C'est pareil comme dans Néon Genesis Evangelion, là, c'est vrai de ça. Là. Ben, c'est la ça, cinquième là. Vague, c'est les enfants. Ah, des calices. Merci beaucoup, Florence Payette, mesdames, messieurs. Pas trop loin. C'est une niaiserie. Le cinéma américain, ça te touche-tu? T'es-tu le genre à aller faire la file pour voir des films? Mais moi, honnêtement, quelqu'un qui me dit « j'ai réalisé que j'étais humain quand tu m'as fait comprendre ce qu'était l'amour », personne ne m'a jamais dit ça, puis je pense que ça me ferait fondre. Je pense que ça me donnerait le petit jouet. Regarde, personne sait c'est quoi se faire dire ça par un extraterrestre. Faut rester ouvert, la gang. Ça se peut que ça fasse full plaisir. C'est vrai, en plus, c'est un extraterrestre. Peut-être qu'il ne sait pas comment qu'on fait des dialogues dans la vraie vie. Tu sais. Exact. Fait qu'il essaye. Ouais, c'est ça. Puis comme si être humain, c'est de juste... Il faut que tu trouves ta mère cheap parce qu'elle priorise ton petit frère à un moment donné. Ou si ça fait partie d'être humain, ça? Ben, je pense que oui. Lui, il est né extraterrestre, puis il peut avoir... En tout cas, je l'aime pas. Il est mieux de rester avec l'autre, je pense. Moi, je dis, faut laisser une chance aux extraterrestres. C'est juste ça que je dis. C'est bon! Il y en a peut-être dans la salle. Regarde, la gang. T'es comme Trudeau là-dedans, là. Trudeau, il a dit que le Canada accepterait les extraterrestres si jamais ils venaient. On pourrait lui donner un passeport. Mais là, on mais là, mettons qu'il y en a que c'est des terroristes. On fait quoi? Ben, genre des... Mais moi, je dis, si on leur montre de l'amour, ils voudront pas nous taper dessus. Si on leur dit, bam! Bienvenue les extraterrestres, bam! Ils vont faire, c'est nice. Ah oui, ben oui, ben oui. Je vais m'installer en Saskatchewan, là, où la rivière coule vite. Ils vont s'installer. Elle écoute en estime. Elle écoute. Je suis toute, là. Excellent! Je pense qu'on est prêt à passer au prochain. Next! Schnuck! Le danseur radiophonique! On se lave parce que l'on se lave parce que! Schnuck, qu'est-ce que tu fais? Viens danser! Viens dans Schnuck, on veut te voir! Laisse faire! T'es là-bas. Le monde te voit pas. Bon. Paparazzi, hein? Je te love! Le groupe qui a fait que moi et Tommy, on a commencé à jaser il y a une couple d'années. Le groupe qui a fait en sorte que je suis venu faire mon entrevue ici à 70%. Et là, c'était la chanson « Je te love ». Bon, là, je devais venir faire une... Ben, premièrement, bonjour Léane. Allô. Enchanté. Salut les gars. Salut public. Êtes-vous de bonne humeur? Je suis bien content pour vous autres parce que pas moi. Moi, je suis à la grippe. Puis je fais le pot, pas en tout. Puis là, ben, je devais venir faire une chronique sur une affaire Valentine quelconque. Et finalement, ben, il y a quelqu'un dans notre gang qui me fait bien chier. Puis j'ai décidé de venir le confronter ici, live. Pour la première fois, on va être les deux sur le show en même temps. C'est pas Chinook, là? Fait que c'est Éric Carmen, hein, vous avez bien imaginé. Ah ouais, OK. Ouais. Ce connard. Et là, ben, il est sur la ligne. Nico, est-ce qu'on l'a sur la ligne? Salut la gang! Ah, c'est Eric, hein? Ben là, j'ai préparé quelques affaires, là, parce que je veux pas que la conversation tombe en insulte. Salut Eric, on est en ordre. No shit, Sherlock! Ah, moi, là, je suis un terroriste de l'humour, OK? J'aime ça venir m'installer ici, faire chier en vous prenant un otage, puis en vous donnant une généreuse dose de malaise à grand. Ben c'est ça, tu sais... Tu sais, moi, j'aimerais ça venir faire le show aussi une fois de temps en temps. Eric, là, j'suis un petit peu tanné, là, pis j'ai chaud. J'ai été assez généreux de te laisser venir ici pendant un an de temps sur la scène. Mais là, j'ai des chroniques à faire. Non, non! Je commence à être écœuré en giribouille, moi, là. Premièrement, toi pis Tommy, vous me faites chier depuis un bout. Pis là, la semaine passée, j'apprends-tu pas que je suis le figment de l'imagination de Jean-Sébastien, mon remplaçant et soi-disant créateur? Ouais, c'est ça. Oh, bâtin, j'y croyais même pas. Là, ils veulent m'enlever de sur le show parce que je fais chier des gens. Puis il y a d'autres gens qui font pas la différence entre moi et mon créateur, maudite marde. Hey, ça va faire là, les insultes de me comparer à cette maudite momoune-là, la gang de ce petit baveux. Vous savez quoi? C'est moi qui quitte. M'en coulisse, moi. J'ai rencontré le monde que je voulais rencontrer. Mon chum Richard Zelroy, puis ma Valentine Danielle Ouimet. Pis ça me surprendrait bien gros le grand que ta poule, là, Tommy, elle soit capable de booker ma gueule préférée, Samantha Fox. Fait que c'est moi qui vous rendais une faveur, asti, en venant ici, dans le fond. T'sais comment que c'est avec moi, hein? C'est Eric en premier, pis après ça, c'est la différence entre nous deux pis qui nous confond. Moi, j'existe ici, pis dans une autre dimension, probablement même plus qu'une, pis c'est moi qui joue ton personnage de fif. It's in the eye of the beholder, le grand. Ouais, mais moi, mon cher Eric, là, j'aime pas trop ça quand les gens viennent me dire « Hey, je pensais que t'étais vrai. Hey, tu sais, quand tu joues, ça a l'air vrai. » Pourquoi? Ben, d'après toi. Chris Legrand, c'est tout un honneur d'être Eric. Ben non. C'est tout un compliment. Va chier. Mais non, c'ti, gars, moi là, j'ai bien beau me faire dire que je te joue bien ou que je pense que je te joue bien, ça me fait pas plaisir d'être mis dans... Ta gueule, tu me niaises? Ben ouais, ouais, non, je te niaise pas, Eric, là, sérieux. Là. T'es en train de me dire que t'aimes mieux être toi? Ben... Hey, bonne celle-là. Qui voudrait être toi, JS? Oh. Toi? Personne. Surtout pas moi. Mais le contraire, par exemple, hein, qui ne voudrait pas être le grand Eric? Allons donc, c'est évident, tout le monde sauf toi, le maillet. Ta gueule, là. Ben oui, t'es tellement grand, Eric, est-ce que tu tremblais devant Danielle Ouimet la semaine passée comme une feuille? Ben oui, puis j'ai scoré aussi, hein? Ça faisait partie de mon plan d'avoir l'air vulnérable. Ok, je te l'accorde. Toi, là, t'es vraiment vulnérable. Pis t'es gentil, pis t'es sincère, pis je te gage que t'es même pas game de demander à l'invité, là, chose, là, de passer à la soirée avec toi. Encore moins ta Valentine, t'es trop fif. Anyway, elle voudrait rien savoir de toi, le minable. Ben, je vais le faire, là, pas parce que tu me le demandes, mais elle me plaît. Est-ce que tu voudrais qu'on passe la soirée ensemble? Ben, c'est sûr que oui, voyons donc. T'es Eric, dans tes dents! Dans tes dents! Hein? Aïe, aïe! Ah, fuck you, le grain, ça fait mal! Je sens mon pouvoir d'influence sur toi qui diminue, là! Ah, ah shit! J'avais pas fini de parler! Bon, ben, tu sais, c'est quand même cool, là. Bon, fait que, tu sais. Je veux pas le faire. Ben, c'est ça, je l'ai fait, là, mais. Tu sais, c'est pas mon genre comme toi, Eric, là. Mais en tout cas, ta gueule, là, t'es juste un exercice de style de ouf. Un amalgame fourre-tout qui sert à taper sur les défauts et les gens qui me stressent, qui me gossent, que je trouve drôle. Ah, maintenant, tout un char de marbre, ben, c'est ça, Eric, toi aussi. J'espère que... Là, c'est là que je tombe dans le texte comme tel. J'espère qu'Eric vous aura fait douter, réfléchir, remettre en question certains comportements ou expressions qui vous sont sans doute très familières. Évidemment, j'espère qu'il vous a fait rire depuis plus d'un an. Merci. Ah ben, allons donc! Allons donc! Merci, Jean-Sébastien Godette. Ben oui, c'est peut-être pour le mieux, hein, ça. Ouais, hein, ça t'es... m'a bouleversé, moi, ça. Ça m'a bouleversé. C'est vrai, elle a les yeux bouleversés. Est-ce que t'as déjà eu un animal de compagnie qui est décédé quand t'étais jeune? Oui, il s'appelait Jean-Pierre, c'était mon chien. T'as appelé ton chien Jean-Pierre? Ben oui, c'est sûr, je l'ai appelé Jean-Pierre. Pourquoi Jean-Pierre? Ben, on dirait que c'est full sympathique pour un chien. C'est moi, vrai, je donne je donnerais pas un nom à un animal que je voudrais pas donner à mes enfants. Mettons, je leur donne des noms d'humains. Bill J'ai Baxter, c'est pas pire? Bill Baxter, oui, ben... C'est cool. Vous écoutez présentement Radio H. Il a pris son café. Il est sportif. Ah oui, Damien, c'est le talent brut. Les mouvements, c'est important. Parce que c'est ça qui fait qu'on bouge. Et puis bouger, Ça, c'est pas facile. Un geste, ça fait partie du mouvement. Et puis bouger, tu le sais, hein, Viviane? Ça fait partie de la formation de tous les artistes. Donc, il y a des gens qui peuvent devenir sourds à force de manger des chips. Pensez à ça. Donc, l'idée de marcher, c'est comme le moteur de l'esprit. Ça représente quelque chose d'interne puis qui se matérialise dans le réel. C'est pas comme les handicapés, hein? Les handicapés, c'est comme des chars pas de moteur. Ah ouais, y a la scrap. Oh, Damien, oh, t'es allé là. Damien, les handicapés, ils pensent quand même. Comment ça, les handicapés pensent? Est-ce que les chars pensent? Est-ce que les chars se conduisent seuls? Je pense pas, non. Donc, dans la démarche, il y a toujours des critères esthétiques, mais il y a aussi, hein, tu le sais, Suzanne, un besoin organique qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est la faculté de l'art, mesdames et messieurs, et celui de séduire par la démarche. Donc, j'ai amené ici avec moi, dans mon corps, trois marches, ou plutôt trois patterns de posture en mouvement à adopter quand on veut séduire une femme. Et je vais commencer par vous les expliquer tout de suite. Donc, si vous voulez pratiquer avec moi à la maison. Donc, première affaire, OK, mise en situation, on visualise. On vient de se laver les mains. Et puis là, il n'y avait pas de sèche-main. Et puis, en sortant des toilettes, c'est comme un couloir très étroit. Donc, on y va de côté. Tout en se séchant les mains. Donc, ça s'appelle le couloir sèche-main. Et on flippe. Et on flippe. On le fait de l'autre bord. Est-ce qu'il y a des dames séduites dans la salle? Donc, l'important, c'est qu'on danse pas. On danse pas. On exprime par la démarche un sentiment intérieur. À la limite, aussitôt qu'on répète d'une façon non contingente, là, on est en train de danser. Puis on veut pas ça, OK? On veut pas ça. Aussi, vous allez voir à la fin, l'important, c'est de tenir la pause. Allez en extension. Soyez bien attentifs là-dessus. Donc là-dessus, oui. On va faire le premier mouvement et je pense que Nick va nous aider. Donc on est déjà en train de se laver les mains. Et là, il n'y a plus de sèche-chemin. Et on y va, de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change. On tient la pause, on étire. Extension. Et on recommence. Il y a un beau cambré. On change de côté. Ouais. Merci de m'aider, Viviane. Et on tient la pause. Ah, on est allé jusqu'au bout. OK. C'est pas facile aujourd'hui, mais je sais que j'ai un bon public pour m'aider. Donc. Deuxième mouvement, c'est la caresse miette de pain. Donc, je fais semblant que j'ai une miette de pain et à mi-chemin, en regardant la personne qui me regarde, je l'ai poussette, mais ça se prolonge en caresse. Donc, ça sera pas facile à mettre en mouvement. C'est pourquoi j'ai besoin de vous pour découper chaque étape. Donc, on prend notre regard et on fait des incisions dans le mouvement, comme on le ferait pour une aérobie de plus en plus. C'est tout, c'est tout. Donc, je t'ai enfargé dans le fil, tu disais, Tommy? T'es tellement con. Mais je t'ai vu tasser des miettes de main avec le revers de la main et avec l'intérieur de la main. Est-ce que t'as une suggestion? Ah ben, est-ce qu'on utilise celui qu'on est le plus à l'aise? Pour votre information, en Extrême-Orient, la calligraphie est considérée comme un art majeur. Il y a deux mouvements au sein de la calligraphie. D'un, on a le pinceau qu'on peut contrôler et l'encre qui est l'inconditionné. On laisse aller. C'est fluide. OK? Donc, il y a les deux mouvements. Deux mouvements dans un. Troisième mouvement. Alors, séduire par la démarche, c'est aussi y penser. Mais en fait, on pense pas vraiment. On fait semblant qu'on pense, mais c'est pour que la personne y pense qu'on pense à rien. Ça fait-tu du sens? Donc, première étape. Je m'en vais dans un endroit abstrait. Je rentre dans un lieu concret. Je fais semblant de penser à quelque chose. J'évite. Donc, ça va être assez difficile de mettre en musique. C'est pour ça que j'ai besoin de Nick, qui va me donner une idée à partir de la musique. Donc, je suis dans un espace abstrait. Je rentre dans un espace concret. J'y pense, mais c'est pas grave. Je suis dans un espace concret. Je rentre dans un espace abstrait. J'y pense, mais c'est pas grave. Je suis dans un espace concret. Je rentre dans un espace abstrait. J'y pense, mais c'est pas grave. Et on est sur la pause! Oh. Abstrait, concret, j'y pense, c'est pas grave. Et là, tu peux me remettre la musique tout de suite parce que cette idée-là m'a donné une deuxième idée. C'est de combiner les trois mouvements en même temps. Couloir fait chemin, très étroit, on change. Couloir fait chemin, très étroit, on change. On est sous la miette, on prolonge en caresse. On est sous la miette, on prolonge en caresse. On est on prolonge en caresse. On étire la pause, attention! Maximum extension. Et on revient là-bas. On est dans l'espace abstrait. On rentre dans l'espace concret. On y pense, c'est pas grave. On est dans l'espace abstrait. On rentre dans l'espace concret. On y pense, c'est pas grave. Et on étire la pause! Ah. Alors, pour ceux qui suivent mes chroniques à 70%, ils savent tous que les conclusions, c'est pas ma force. Mais en terminant, je vous rappellerai que marcher pour séduire une femme, ce n'est pas danser. Ça, je l'ai déjà dit, donc il n'y a pas de punch. Damien Bou... Le superflux, mesdames, messieurs, faut regarder ça. Ah, c'est que t'es con, man. Il est de toute beauté, le grand Damien. Hein? C'est ben la première oui. fois que tu le vois? Oui, il était formidable, David. Damien. Ouais, David, oui. Flavien. Moi, il me fait penser beaucoup à un prof, parce que j'ai eu des cours d'acteur, de théâtre, et il me fait penser à un prof que j'ai eu. Il voulait qu'on soit des gerbes de blé. Et, je comprenais pas pourquoi c'était utile dans un processus à quelque part, mais peut-être d'un coup passé 6 ans, genre. Moi, j'ai déjà fait une marche lente de 15 minutes pour aller donner une caresse à un arbre pendant un cours. Je peux pas vous dire comment j'ai investi mon argent pendant t'es mes études. T'es allé là, toi aussi, c'est 4 ans, c'est fini, on passe à d'autres choses. Mon Dieu, j'ai caressé des arbres. Ouais. Tu sais que Jean-Jacques Rousseau faisait ça? Ben, j'imagine que c'est pour ça qu'ils nous le faisaient faire, mais au Parc Laurier, je t'avouerais que le petit groupe de madame de bébé forme, là, avec leur poussette, ils nous trouvaient bizarres. Ouais. Ah, c'était un devoir. C'était pendant un cours. OK. C'était pas comme « faites ça dans vos temps libres » Non, c'était pas pratiquer. Ce soir au moins 2 fois, faites ça. Ah, non, okay, ça s'arrêtait pas pire. Ça. Filmez-vous, ouais. Hey, ça, presti que ça va bien. On passe au prochain, t'es prête? Nick! Ah. Quelle bonne surprise, les revoilà. Il y a juste Harvey's pour servir ça. Moi, j'aime les frites, puis les rondelles. Je suis fou des fridelles. Ah, les fridelles, ça, c'est une belle invention. Ah, ben là, n'est-ce pas? Ça, là. C'est quoi, déjà? C'était des frites de poulet? Non, c'est des frites puis des rondelles d'oignon, un à côté de l'autre. Ah! C'est super bon. Ça, c'est une invention que ça s'appelle, ça. Ouais, je sais pas si ça a été breveté ou quoi que ce soit, ouais, mais en tout cas, ça existe. Let's go, man. Hey, salut, Jonathan. Salut, ça va bien? Ben oui. Johnny Publicité en personne avec nous ce soir. Oh, ouais, on peut y donner. Hey, aujourd'hui, je fais un top 5 de 1991. 91, une très bonne année. Je trouve ça spécial parce que t'as un chandail de Star Wars puis j'ai un t-shirt de Darth Vader. Ben, je pense qu'on est fait pour s'entendre. Ouais. Je vais juste commander des fridelles à partir de maintenant. Lui-ci, il joue pas Magic. Toi non plus, tu joues pas Magic. Non, je joue pas Magic, non. Parfait. On va juste sortir nos lightsabers puis avoir bon. Plein de plaisir. Puis moi, je connais beaucoup trop. Puis moi, je connais beaucoup trop de jingles publicitaires à un point où ça devient inquiétant. Donc, on va regarder avec le prochain, donc mon numéro 5. Le zap, c'est quoi? Le zap, c'est le choix de la vraie télé, le choix des abonnés de CF Cable TV. Le zap, 34 services, le zap, le divertissement le moins cher en ville, 73 cents par jour, le zap, pour des milliers d'émissions, c'est le temps du zap, c'est le temps de s'abonner. 5% de réduction à l'installation. Je décerne une pénalité majeure, plus une inconduite de match à ce pub-là pour tentative de faire du rap. Oui. Moi, il y a 3 affaires dans vie que tu mets pas dans une que tu mets dans une pub quand t'as pas vraiment d'idée de concept. Du rap, des clowns, puis Guy Mongrain. 3 affaires. Des culs de filles. Aussi. Mmh. Aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, non. Hey, réalises-tu que les personnes qui ont fait cette toune-là, là, ouais. C'est sûr et certain que jamais ils auraient pensé que cette toune-là finisse dans un top 5 de quelque sorte que ce soit. C'était vraiment mauvais, là. C'était... Ouais. Écoute, ils vendaient quoi, des... C'est CF Cable TV. C'est une compagnie de câbles qui n'existe plus puis que c'est pas grave. Ouais. Voilà. Ils sont retournés dans leur enfer, là. Genre. Ouais, c'est ça. Hey, on y va avec un petit jingle de hockey au numéro 4. Parce qu'on aime tous tellement ça, le hockey. Ce feeling, on le connaît. C'est une passion, une vraie. Ça restera. Parce qu'il n'y a pas plus vrai que ça. Oh, oh, oh. Tant qu'il y aura le hockey, il y aura Coca-Cola classique. C'est toujours le vrai! Oh, wow! Mais c'est rassurant parce que tu te dis, s'il y en a un qui s'en va, peut-être l'autre que l'autre aussi va suivre. Ouais, ouais. Si, j'agoute la bile dans ma bouche. Let's go, continue. Donc, c'est ça. C'est d'après toi, Carey Price, vas-tu revenir? Ah, va chier. Hey, l'autre soir, à l'antichambre, Guillaume ouais. Latendresse commence le show. Il dit, moi, là... Je cite souvent, je suis tanné qu'on parle de Carey Price. Il reste toute une équipe autour. On parle de Carey Price à tous les soirs. Il en a parlé pendant 5 minutes. L'antichamp. Puis, moi, c'est toujours le vrai. Là, c'est pas parce que quelque chose est vrai que nécessairement c'est bon. Tu sais, comme dans les expressions de la vraie marde, ouais. C'est triste, mais c'est vrai. Ensemble, on s'occupe des vraies affaires. Hey, on y va avec un classique. Ceux qui la connaissent, le chantez-la avec moi. C'est un ami, oui, que l'on aime et respecte. Du soleil à étendre sur la rouille en direct. Fiez-vous à Tremclad pour traiter aux petits soins. Plus de gens protègent plus de choses. T'es revenu, toi, hein? Il y avait un chien dans la Rudeau, il était possédé par la passion de Tremclad. Il y avait un chien et du monde anormalement heureux de peinturer. Ouais. Et puis du fer en plus. C'est en fer, ouais. C'est ça, c'était super. Ouais, elle était jaune, la peinture, je m'en souviens. On n'en parlera pas, là. C'est vrai qu'elle était jaune. Elle était jaune, hein? J'ai un petit peu peur, là. J'ai comme oublié notre père, mais je suis revenu à Tremclad. Mais à chaque époque, c'est Dieu. Non, mais chacun ses priorités, hein. Oui. Moi, je suis de l'équipe peinture, là. Toi, tu serais genre à fiat. Une jaune, là. Let's go. Let's go next! Ah, prochaine, ouais. La prochaine, c'est une pub de gomme. Que l'on soit petit ou que l'on soit grand, il y a mille raisons de prendre une Trident. Gomme, gomme, gomme, gomme, gomme, gomme. Quand on est nerveux, qu'on a le goût de relaxer. Gomme, gomme, gomme, gomme, gomme. Quand on est heureux, puis qu'on a le goût de fêter. Gomme, gomme, gomme, gomme, gomme. Quand on est amoureux, qu'on a le goût de s'embrasser. C'est une mathématique Saint-Valentin. Pour les petites émotions ou les grandes sensations, quand t'as vraiment le goût, tu es dans le goût. Gomme, gomme, gomme, gomme. Attends, c'est exactement la même pub que la pub de 50, là. C'est vrai qu'ailleurs, ouais. C'est la même affaire. Tu te rappelles la dernière fois qu'on était vraiment heureux, on voulait fêter, puis je t'ai dit, sors-moi une gomme, man. Est-ce qu'on avait eu du fun? Colin, j'ai mal à la tête à le matin, j'aurais pas dû prendre autant de gomme, Un lendemain de gomme. Oubliez pas les gommes, hein? Trois pour les filles, trois pour les gars, deux pour les filles, puis on n'en prend pas tous les jours! Alors, on va se laisser sur notre numéro 1. Le numéro 1, c'est un classique à douteux. Et ça va comme suit. Mon nom, mon nom, c'est Pocket. C'est pas une annonce de Skynet, ni lunettes, c'est une annonce de marché. En face du terminus de l'autobus, je suis là pour véritablement en plus. Couvert, je suis vendredi, samedi, dimanche, puis à tous les mois du spectacle qui change. Mario Pelcha, en spectacle les 5 et 8 septembre. Vous la voulez des tapis? Qu'est-ce que vous la voulez, des chemises? Qu'est-ce que vous la voulez, des cachons? Qu'est-ce que vous la voulez, au marché du palais du commerce de la vente? Merci! Jonathan Simon, mesdames, messieurs! C'est Pocket, le nom du DJ Pocket. Dans les années 90, pour être un artiste, fallait plus que tu le dises que tu le fasses, je pense. Non, ça prenait pas grand-chose. Exactement. Ouais. C'est rendu totalement différent de nos jours. T'as un compte Instagram, toi, hein? Oui, depuis pas longtemps. Ouais. Comment tu vis ça avec les médias sociaux? Moi, je comprends rien à tout ça. Je suis vraiment pas de mon époque. Tu es comme un agent qui te pousse dans le pour te dire let's go? Non, en fait, moi, la personne qui a créé mon compte Instagram, c'est Pierre-Luc Funk pendant que j'étais aux toilettes au restaurant. Puis... Il a profité d'un moment de faiblesse. Ouais, il m'a complètement eu dans le détour. Puis j'ai toujours pas trop compris, puis j'utilise toujours le même filtre. J'ai pas de... Mais tu sais, il y a des artistes qui en font ça. Il n'y a rien de ce que tu as dit là qui n'est pas un procédé artistique à date. Là. Non, je sais bien, mais disons que... Ben, de toute façon, de nos jours, n'importe qui peut être photographe, visiblement. C'est sûr. Ouais. Sauf le monde qui voit des Sasquatch. Sauf ceux, sauf ceux qui sont un Sasquatch. Ouais. Hey, on arrive vers les derniers chroniqueurs. Une petite dernière fois. Oh, s'il te plaît, Nick. Une dernière fois. Elle est vraiment meilleure que... C'est la chronique à Coralie! C'est la chronique à Coralie! Coralie, on avait dit qu'on ferait un découpage la dernière fois, mais Nick n'a pas pris le temps de le faire, fait qu'il faut que je fasse la toune une deuxième fois! Ah, ah! Yeah! Moi, j'aime vraiment plus ça comme ça! Écris-nous un texte, puis on va te la faire. Moi, tellement faire ça! On travaille là-dessus! Salut, Coralie! Salut! Hey, j'espère que vous avez une belle Saint-Valentin. Non. Moi, c'est parce que moi, je viens de me séparer. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai laissé. J'ai arrêté de suivre le Journal de Montréal. C'est vrai, j'ai lu ça sur Facebook. Tu t'es fait ça, ben oui. J'ai décidé d'arrêter, c'était rendu toxique. Ça ne me dérange pas que j'en parle. Ça ben, non, ben non, ben non. Moi, je suis content que tu en parles. Mais oui, c'est juste que moi puis le Journal de Montréal, ça ne me dérange pas que j'appelle Steve. C'était le même que j'appelais Steve. C'est juste que c'était rendu tellement toxique, moi puis Steve. Là, c'est... Tu sais, moi, je lui donnais des clics, lui, il me donnait de la merde. Puis là... Tu sais, au début, je suivais la page de Steve par ironie, puis là, après, je me suis mis à commenter en dessous des posts, puis là... Grave erreur. Ouais, mais tu sais, j'essayais de raisonner les lecteurs qui pensaient que les revendications de la gauche, c'était d'avoir plus de feux protégés aux intersections. Ouais, ben... C'est pas ça. Puis là, mes amis me le disaient, là, arrête de lui donner de l'attention, mais je pouvais pas. Il fallait que j'aille lire la dernière chronique démagogique de Sophie Durocher. Ouais. Je pensais ça, qu'elle... c'est une des parties les plus sombres de Steve, en plus. Mais je pensais qu'elle pouvait changer. Je pensais que Steve pouvait changer, mais... Ça, c'est le syndrome de la femme battue, tu le sais. Hein? Je sais. Ouais. Mais je m'en suis défait. Mais tu sais, moi pis Steve, on n'était pas faits pour aller ensemble, dans le fond. Tu sais, son humour douteux, ses positions racistes, ses palmarès sexistes... Il me faisait assez honte devant mes amis, là. Steve. Ça a commencé à aller mal avec le début du sac de chips. Je l'ai trompé plusieurs fois avec BuzzFeed. Mais là, c'est pas de ma faute si leur contenu est original et bon! C'est pas... Tu sais, les quiz BuzzFeed sont vraiment mieux faits en plus. Tu sais, je suis clairement plus la petite sirène que Esmeralda dans Les Princesses. Totalement. Mm-hmm. Tout le monde sait ça, mais pas Steve. Steve, il me comprenait pas. Il écoute pas. Mais la rupture, c'est vraiment faite après la lettre de Richard Martineau à Lise Payette, où il l'accusait d'être une féministe revancheur et frustrée. Là, j'ai dit, là, Richard, appuie le blackface puis Donald Trump si tu veux, mais touche pas à Mamie Payette. Pas Mamie Payette. Ça fait que j'ai même pas lu son dernier article, son dernier chef-d'œuvre, Les filles, c'est nono. Ouais. C'était pas facile de pas cliquer, tu sais. Tout le monde partageait la publication de Steve. Puis j'ai comme non. Puis j'ai cliqué. Puis je me suis dit, je vais juste lire les trois premières phrases. Puis dès que je les ai lues, j'ai eu les yeux pleins d'eau. J'ai fait un peu caca. Puis j'ai arrêté. C'était trop, tu sais. Cette semaine, je m'ennuyais un peu de Steve. Je m'ennuyais de Steve. C'est normal, hein, c'est le processus. Je sais, c'est... Puis... Faut que tu restes forte. Puis j'essayais d'aller sur sa page. Puis là, je me retenais d'aller sur sa page, voir ce qu'il avait partagé, tu sais. Parce qu'il y avait quand même des beaux moments, là, avec Steve, quand il faisait des commentaires humoristiques déplacés, comme « Enfin, découvrez de quoi ressemble le pénis idéal selon des preuves scientifiques! » Des preuves scientifiques, sacré Steve! Pas, parce qu'on sait que les femmes, c'est une entité. Genre, oui, oui, vois, oui. Ben, oui. Mais dans le fond, j'ai réalisé que Steve voulait juste vendre son petit pénis. Ouais. Je pense que ça serait son genre. Mais faut que je vous dise que je m'ennuie du séduisant Mathieu Bocoté et sa belle grosse verve. Oui. Ben non, mais il est tellement beau quand il nous raconte des affaires qu'on comprend pas. Je capote. J'ai des amis qui suivent encore la page du Journal de Montréal. Là. C'est correct, je comprends. Là. Est... Tu veux dire, toi et Steve, vous aviez des amis en commun. Oui, on avait des amis en commun. Là. Il y a encore des gens qui l'aiment beaucoup, mais tu sais, je comprends. Là, des fois, il est divertissant, là, mais tu sais, des fois, je prends de ses nouvelles puis je demande au monde, puis qu'est-ce que Gravary a écrit de marde aujourd'hui? Puis... Mais pour arrêter de penser à ma peine, je suis allée me changer les idées. Je suis allée dans un cours de l'UPOP. Je sais pas si vous connaissez, c'est une université populaire. C'était un cours sur les féminismes, les féministes. J'étais vraiment surprise de voir que les féministes, c'était pas comme Steve me l'avait décrit, hein, moustachu avec une faux pour couper les pénis. Le cours était donné gratuitement dans un bar par une spécialiste en la matière. Hey, une spécialiste! Steve m'avait pas habitué à ça, là. Non. Hey, des gens qui savent de quoi ils parlent. Wow! Ah, tu vois qu'il a fait des efforts pour te revoir, hein? Mais... Puis, tu sais, après le cours de l'UPOP, il y avait une discussion, c'était intéressant. Là-bas, les commentaires sont pertinents et intelligents! C'est pas des commentaires de merde, non. Je vous dirais pas de vous désabonner à Steve. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment encore le voir, mais je pense qu'il faut arrêter de donner de l'attention à Steve. Puis je vous invite plutôt à dater des gens plus intelligents, comme l'UPOP. Puis il y a différents cours cette session, comme l'astrophysique, l'économie anarchiste, le système juridique québécois. Tu sais, du vrai savoir là, que Steve n'a jamais donné. Fait que... C'est ça, mais merci de m'avoir écouté, ça va déjà mieux. C'est super que tu sois venu. C'était super bon ta pub pour l'UPOP. Ouais. Et allez la rejoindre sur Facebook, elle va être très contente de vous parler de l'ex-relation que vous pouvez vous aussi avoir avec Steve. Est-ce que tu as une relation avec Steve, toi? Amour-haine. Ouais. Amour-haine. Même affaire d'obsession de il faudrait que j'aille voir, j'ai vraiment envie. Puis même affaire de dire « Ah, oh, mon Dieu, faut pas que je clique là-dessus. Ouais, » ouais, ouais. Donner le goût à tout le monde d'aller voir Steve. Moi, ce qui m'a turné off, c'est il y a quelques années, il y avait une fausse nouvelle de Nord Presse, qui est un... Il y en a trop, là, à mon sens, là, des sites de fausses nouvelles. Ouais. Et puis là, c'est pas que je veux tuer la créativité de qui que ce soit, mais il faudrait trouver comme une deuxième évolution à cette affaire-là. Il y en a des que bonnes le Squirtle... qui sont... Que le ouais, c'est ça, il y en a aussi. Des vrais qui sont solides. Mais il y avait passé une nouvelle dans Nord Presse et il y a quelqu'un au Journal de Montréal qui avait comme accroché là-dessus et qui l'avait mis sur le Journal de Montréal. Ouais. Et donc, leur source, c'était Nord Presse. Fait que là, tu te dis, le journalisme est mort en tabarnak, rendu là. Fait que ben moi aussi, tu sais, Richard Martineau, il était pour le voir et il était pas haï avant, tu sais, genre. Non, ben, tout le monde change. Hein? Il est jamais trop tard pour vendre son arme à machine. Hein? Ça, c'est vrai. Moi, j'ai hâte que quelqu'un me demande comment qu'elle vaut la mienne. Je ne sais pas tout. Toi, tu penses qu'elle vaut comment, la tienne? Ma machine? Ton arme. Mon arme. Oh. Tu me la vendrais-tu? Je la garderais jusqu'à au moins 30 ans, puis après ça, je pense que je peux m'en départir assez facilement. Là. Je vais avoir donné. Là. C'est bon. Ben, tu m'en reparleras. Moi, je mettrai là-dessus. Voilà. Jamais sorti de l'hiver, la mienne. Ça appartenait à un prêtre. Ça. Ton homme appartenait à un prêtre avant. C'est bon. Allez, let's go, Nick. On passe au prochain. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Explosion. Anat Berko, une membre du Parlement israélien, a apporté un argument créatif afin de nier le droit à la nation palestinienne, d'exister cette semaine. En effet, elle affirme que la langue arabe ne contient pas la lettre P, ce qui, par défaut, selon la logique linguistique par laquelle toutes les décisions devraient être prises, les Arabes ne peuvent pas être palestiniens. Et... Ah ouais, on peut la slow clapper. Inspiré par cet argument, Pierre-Carl Pellaredo aurait déterminé que comme le son « r » n'existe pas en français, on ne devrait pas avoir le droit de manger des « jalapeños ». En français! Voilà! Y a-tu comme un nouvel enfer spécial? Là, ils ont fermé les abîmes, là. On pourrait mettre un enfer des hosties de caves démagogiques. Quand tu fermes les abîmes, en général, qu'est-ce qui arrive? C'est que les morts marchent sur la terre. OK. Et justement, la bonne nouvelle, 70%! Amazon a récemment ajouté une clause au terme de service pour sa nouvelle plateforme de jeux en ligne, Lumberyard. En effet, la compagnie mentionne que le matériel de Lumberyard n'est pas fait pour être utilisé pour des systèmes gérant des fonctions vitales ou de sécurité critique comme le matériel médical, les avions, les navettes spatiales, le contrôle de trafic, les installations nucléaires, etc. Par contre, la compagnie offre une dérogation à ces restrictions si son système est utilisé lors de circonstances d'une infection virale répandue et transmise par des morsures ou la mise en contact de fluides humains qui causent la réanimation des morts et qui cherchent à se nourrir de chair humaine, de sang, de cerveau ou de nerfs et qui risquent de voir la civilisation organisée s'écrouler. Donc, tu vois le lien que je faisais avec... Je le vois, mais je comprends rien. Voyons, tabarnak! Ils sont en train de se padder au cas où qu'il y a un apocalypse nucléaire. Et eux autres, légalement, ils vont être corrects. Là. Non, mais en fait, c'est non, ils sont cool avec ça. Ouais, ils utilisent les pas pour ça, sauf s'il y a des zombies. Ouais, en mode extrême. S'il y a des zombies, c'est correct. Mettons qu'il y a des extraterrestres là, qui viennent nous passer non, des vagues. Pas. Tout, non, juste les zombies. Sûrement... Juste les zombies. Ouais. Ah, mais tu peux leur écrire si t'as des ouais, plaintes. Lui demander, là, si, fantôme réincarnant. Next. Oui, une femme italienne fait face à 6 ans de prison après que son mari ait porté plainte contre elle. La femme de 40 ans est accusée de maltraitance de famille parce qu'elle ne cuisine pas assez et ne fait pas assez de ménage. Le mari affirme être insulté que sa femme ait négligé de nettoyer la maison et ajoute qu'il a été forcé de vivre dans des conditions peu hygiéniques à cause d'elle. Il affirme aussi qu'il achète de la nourriture qui se ramasse toujours dans les poubelles parce qu'elle ne la cuisine pas. Elle aurait aussi mis dehors de leur chambre à coucher pour des raisons encore nébuleuses. Son procès aura lieu le 12 octobre. Wow. L'amour. C'est l'amour. C'est ouais, l'amour. C'est une belle nouvelle de la Saint-Valentin. Ben, c'était ma nouvelle de la Saint-Valentin, effectivement. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Je pense que ça nous amène à la fin de 70%. À partir de maintenant, tous les lundis, on a des VJ qui nous pitchent des affaires vraiment weird sur l'écran. Tu reviendras avec tes sœurs et tes cousines, ça va nous faire plaisir. Certainement. Ben oui. Ben moi, oui. Là, j'ai une mini-question, mettons. Ben, parce en fait, que on est à parler de ça. Là. Moi, je veux savoir comment on peut faire pour te suivre. Est-ce que tu pognes le monde sur Facebook? Conseille ton Instagram, pose tes questions. Ça, des questions, là. Let's go. Ma question, en fait, c'est VJ. Moi, j'ai jamais su qu'est-ce que ça voulait dire. Vidéo jockey. OK. Il n'y a pas de magie. Fait que Mitsu, c'est ça qu'elle était un peu, genre... Plus sa sœur, abeille. Ouais. OK, fait qu'elle, elle a juste switché une lettre, puis elle s'est dit correct, je vais devenir DJ. VJ. C'est, écoute... Mais elle fait les deux maintenant. C'est ça. C'est ça. Ben, ah, on est au courant que Abeille Jelina est rendue DJ. T'étais-tu au courant, toi? Ouais, ben, je sais qu'elle fait de l'électro, puis qu'on en parle trop présentement, là, ouais. Mais sinon, je sais pas... Ouais, on a vraiment pas besoin de passer autant de temps sur elle, honnêtement. Je suis désolée, c'était vraiment une question, je savais pas ce que mais, ça voulait dire, pour vrai. Là, je sais qu'il faut que t'ailles voir ton entraîneur, mais la prochaine fois, tu vas voir, on va te payer une soirée, une vraie... Yes! C'est pour ça que j'ai pas bu de bière, sinon je serais chaude, Reb. Est-ce qu'on... Ah. Écoute, on a hâte de te revoir, tout le monde. C'est quoi l'autre? Il disait, là, il rendait sous le monde qui repartait en patin. Mais à j'ai mes patins! Ils sont dans mon sac. Bon, ben voilà. Sinon, pour te suivre sur Facebook, sinon, t'es une habituée. Ben, vous pouvez aller voir mon Instagram, c'est juste qu'il y a comme 3 photos. Fait que c'était juste pas divertissant pour vous. Hashtag Léane, c'est-tu? Hashtag Léane. Mais oui, vous pouvez suivre mon Facebook aussi. Il y a 4 photos, parce que ça fait depuis plusieurs années que je l'ai. T'es occupée. C'est dans le jus bien raide niveau photo. Puis sinon, ben, je vais repasser un lundi. Puis si vous voyez quelqu'un... qui a évidemment beaucoup trop bu puis des petites blessures de rollerblade, ça va être moi. Là. Ça pourrait être toi. Merci beaucoup, Léane. Léane Labrèche d'or, mesdames, messieurs. À partir de maintenant, ben on tente ça rapidement. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, on va avoir la visite de... Y a-t-il quelque chose qui se passe? Ah non, ben oui, c'est notre expert Mathieu qui va être VJ tantôt. Non, qui va être encanteur tantôt. dans quelques heures, en fait, vers 21h, on ne sait pas l'heure exactement, mais il y a Vermin Supreme qui va passer. Tout le monde connaît Vermin Supreme, c'est sûr et certain. C'est le politicien américain qui a terminé quatrième dans la course au New Hampshire. Et c'est un petit peu la réplique du Parti Rhinocéros, mais version aux États-Unis. Il y a plein de followers sur Twitter, fait qu'on va y en vampiriser. Voilà, c'est le calcul. Là-dessus, je suis très content d'avoir Bruno là-bas et Nicolas Davion. Salut! Allô! À partir de maintenant, c'est eux qui vont avoir le contrôle du visuel et de l'audio. Merci encore une fois à tous les chroniqueurs de 70%, à tous les collaborateurs. Alexandre Larocque, t'es un génie. Nicolas Davio, sans toi, les journées seraient pas beaux. Là-dessus, je lui laisse le contrôle. Merci d'avoir écouté 70%. Merci, Bruno. Merci, Bruno. Radio H2O. Your Jedi mind tricks do not work on me. Ensemble, nous sommes la force. Funny money. No buts, no money, no dude. Hey, my name is Ray Park. I play Darth Maul in The Phantom Menace and Snake Eyes in G.I. Joe Retaliation. You're listening to H2O Radio. May the force be with you and beware of the dark side. Ah! Ah! Le micro 1 et 2, s'il vous plaît. Please, Mr. Supreme, Mr. Vermin Supreme, how do we? Yeah, indeed, indeed! The real deal! This is an awesome visit for us. I am delighted to meet you. This is one of the best hugs I've received. Wow. I don't even feel like doing a wrestling picture. Usually this is what I do with hosts, well, with guests here. Do we say Mr. Supreme or Mr. Vermin Supreme? Mr. Supreme was my father. So, Vermin Supreme. Yes. It's an honor to get you here. I mean, you're very busy nowadays. Something's happening in the dark territories south from here. These are very trying times. Yes. Very dangerous times. Is it the first time that you're trying the pony? No phonies, just ponies policy? That rhymes in American, yes. It does. Awesome. I don't want to put words in your mouth. You're here. We want to hear you. We want to hear you talk. Just thank you. Just brainwash everyone here. I want to speak. If also. You've got this little powder that made the other guy with a suit gay, I want some. I think. I was told that cleaning crews did not like that anymore. It's going to be fine here. You can go all the way. You can use all your necromantic power on everybody. He's Vermin Supreme. Look. Thank you, my friends. My fellow North Americans. It is a pleasure to be here. Across the border with you here this evening. I beg your indulgence and your forgiveness. I was told that this was a radio broadcast, and I had absolutely no idea that it was going to be a live show. I was told it was an interview and that I would be answering questions. Well, I can ask you questions, but... Oh, good. You're the wise man. I mean, how do you think the policy, a pony for every American is going to help the economy? Every North American. Yeah. No. Oh, you're thinking of us. Thank you. I propose a very strong alliance between the people of Canada and the people of Mexico. Together, you have the United States surrounded. Furthermore, I propose that when I am king or queen of Quebec, Because we still have something like that here. Yeah. Yes, indeed. That I will build a wall across our southern border. We must keep the Americans out at all costs. Let me tell you this. When President Trump is inaugurated, hundreds and thousands of Americans will be fleeing in this direction. We must head them off. Thank you. I am Vermin Supreme. I approve of this message. As you're one of them, is there any way to scare off an American? Because it's going to happen. The trouble is going to start in less than a year, so we have to prepare. So do you have advices for once us, again, French-speaking Canadian? How can we scare away Americans? I am going to hypothesize that you know all the American jokes. I was going to go for blackface, but... I don't know how that flies up here. I'm not familiar. I do not know your cultural ways. I do not know the ways of your people. Yeah. They are strange and they are exotic. Of course. I would say our African Americans are the Muslim people. It's what was the you know, it's what got our ex prime minister out of office, and this is a very, very touchy subject. No, it's not. Fuck him. Anyway, hey, would y'all like to learn a song? Oh, of course. Of course. Okay. Should have brought Spudhead. Run back and get him. Go ahead. Send that rhino, but I fell back again. No. Okay. All right. Now, your part of the song is this. All right. Let me hear y'all say. Psycho Kitty, Psycho Kitty, Psycho Kitty. Chinook, on va avoir besoin de toi. Okay, here we go. Psycho Kitty, Psycho Kitty was a happy little cat. Psycho Kitty. Was lowered into a trap when... Wait, how's it going? Psycho Kitty. Talk to the boot. Oh, okay. Psycho Kitty was a happy little cat. We did that part, right? Yep. Okay. Starred in television cat food commercials. How about that? Psycho Kitty. Psycho Kitty. Psycho Kitty was lured into the trap one day by a plate of food. Psycho Kitty was sold to the lab for $20 by the guy. What an evil dude. Psycho Kitty was sold to a vivisection subcontracting college university. Psycho Kitty gave her mind for scientific knowledge. A little too much torture, a little too much pain. Psycho Kitty! Psycho Kitty! And now that poor kitty cat is irrevocably insane. Psycho Kitty! Psycho Kitty! Psycho Kitty suffers from post-traumatic stress! At least the surgical procedures were considered a success. Psycho Kitty! Psycho Kitty! Man. Thank you. Psycho Kitty. There's one question I really want to ask you. Yes, sir. Are you a big player of Magic the Gathering, the game? You can say no. It's going to be all right. Nobody plays. No. It's not that I'm alone, but it would be fine if Could you teach me? It would be awesome. Nice. So, I see you've got papers there. Are you ready to answer some questions? Is there a question you want me to ask? I would like to sing you another song. I think people are ready for that. Are you ready for another song? I think they are. I think we want another song. Okay. This is a song. I can't believe you didn't tell me to bring all my props to you. Okay. This is a song about Jesus and the dinosaurs. Jesus and the dinosaurs. He loved them like he loved his whores. Ladies of easy virtue, dinosaurs, they'll try and eat you. Six-thousand-year-old Earth is what I hear when fundamentalists bend my ear. Big Bang's not a fact but theory. All us mammals are really hairy. Dinosaurs are really scary. Dinosaurs, they ruled the Earth long before the virgin birth. Not as long as the scientists say. Get down on your knees and pray. It's the only answer to everything. Mammals, yeah, we got warm blood. Very few survived the flood. Dinosaurs, they left us fossils. Jesus left us apostles. Jesus and the dinosaurs, they never fought in any wars. Maybe they will come again. Maybe they will be my friend. Will they love me? Well, that depends. When they get here, it will be the end. Jesus, he will know the score. Eat the rich and kill the poor. Apocalypse is at your door. Get your ass up off the floor and make way for the dinosaurs. Awesome. Thank you. How long are you in Montreal? Yes. The Université de Philosophie invited me up here. They're a great bunch. They are truly a great bunch. L'Université de la Philosophie. It's a very Québécois project. Indeed. Full of awesome people. Meeting a lot of the Rhinoceros Party members here. Yeah, I'm one of them. And I'm angling for your endorsement, of course. Yeah, of course. And I'm all with you. Thank you. Do you think you can... Well, are you going to bring your magic powder up to the highest sphere of the American policy? Well, I'm hoping to fill the upper atmosphere with it to combat global warming. Awesome. And is there any way we can help? Certainly. Please, tell us how. Friends, the road to Ponotopia will not be easy. There will be hardships. We don't deserve. There will be sacrifices. Not all of us will make it. There will be those who say it can't be done. They will be dealt with harshly and swiftly. There will be those in the media that will cry, "Big government." They will be sent to the work camps to be shown otherwise. They are impediments on the way to the new utopia. They are speed bumps on the way where we will need no speed bumps any longer. Let me say that the road to Ponotopia will be paved with the glitter-encrusted skulls of our vanquished enemies. Are you with me, people? Follow me! Follow me! To victory! To victory! To victory! Berman! Berman! You... Yes, you with your finger up in the air like you just don't care. Okay, we're taking 3 questions, then I'm gonna go break in the background. You, come on. Sarah Palin claims she can see the USSR from her window. What do you see from your window? Once again, I don't believe Sarah Palin really ever claimed that. That it was a misconception promoted by Tina Fey of Saturday Night Live. Number one. Number two. Number two. I live on the Cape Ann Peninsula. Who is your... yes, okay. That was it. Yes, next question, please. You want to adopt me? Yes, here, hop in my trunk. We'll drive across the border. No time to explain. It's going to be us. Oh, yeah, I think we've got Vermin Supreme. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Thank you. Thank you. Ich bin on Canada guy. I would. I have a last guess. I want to take a wrestling picture with you. No, just come over here. It's going to be fine. It's going to be fine. Okay. We're just going to be face to face. And we're... Oh, the magic hat has gone off. Don't look at me. I'm a monster. Charisma. Don't look at me. I'm a monster. Come over here. We're just going to be face to face like this. No, just be gentle. Just be gentle. We're all in the... Best wrestler. I am now a pony. Thank you, Vermin Supreme. On that interruption on our usual programming, I'm going to go back to my non-drunk French. Calice, man. L'aventure. I have been officially ponified. I wish you the best. Vermin Supreme, please. Thank you. See you on the internet. I have t-shirts for sale, too. You are the one who's going to save humanity. Vous écoutez présentement Radio H2O. Autobots, transform and roll out. Ça va vous autres, yes? Je suis content, moi j'étais nerveux en même, je m'en viens tester du stock avec vous autres, mais après on a vu ma première partie de Jean-Marc Parent. La pression vient de baisser sur un solide moment, hein? Si j'aime le concept de la soirée, la seule affaire qui m'a boqué un peu, c'est la règle numéro 4 sur le tableau. Moi, je vous connais pas, mais ça semble risqué comme soirée. L'animateur, je sais pas si c'est un lézard ou un dragon. Okay, moi, je veux un beau moment jusqu'à présent. J'ai bu la moitié de ma tête. Ah, fait que vous autres, ça va bien? Ouais. Non? Nice, nice, that's it. On dit souvent que les meilleures personnes sont ceux qui se lèvent tôt. Puis ça me fait chier parce que je me réveille toujours à 2-3 heures l'après-midi ces temps-ci. Je dirais que je suis un peu un genre de Batman, mais sans les fonds nécessaires pour accomplir quelque chose de bien dans ma vie. Ah non, c'est parce que moi, je me dis que l'expression « si tu veux, tu peux » a des limites quand tu te déplaces en autobus. Sinon, je suis quelqu'un qui gère assez mal la pression. Je pourrais jamais être délateur en prison. Je crois que c'est trop de stress. C'est un petit peu comme vivre en Afrique, mais apprendre que tu fais de l'eau dans le genou. Tu sais que si les autres apprennent son secret, ça sera pas la journée la plus festive, hein? Personne va en vouloir un mammouth qui va te décalisser ta rotule. Non, mais je trouve qu'il faut rester courtois avec eux autres. Le pire que j'avais vu, c'était le gouvernement qui avait essayé de faire des écoles en Afrique. Je suis tout d'esprit, mais on s'entend que c'est bien sûr qu'ils font tout. Parce que le problème de ça, c'est qu'ils avaient réutilisé nos vieux manuels à nous autres. Puis on va se le dire, c'est un peu normal qu'ils aient tout décroché en lisant la phrase « Mathias à 36 pommes, il en donne 5 à Nathan et en perd 7 en chemin. Combien de pommes lui reste-t-il? » Écoute, Mathias! Je ne sais pas exactement à quoi tu t'attends. Mais arrête de chercher combien de pommes qui te restent, puis va rien que chercher les 7 que t'as perdues. C'est une crise de nonchalant. Non, moi, je pense que c'est bien, pour vrai, de leur apprendre à compter, mais il faudrait adapter ça à leur réalité à eux autres. T'sais, moi, je verrais plus quelque chose du genre « Coffee a 2 panthères, 3 lions et 4 tigres dans un enclos en bois. » 3 jours plus tard, que lui reste-t-il? Ah, exactement, c'est ça. Un enclos avec un lion alpha puis beaucoup de morceaux de félin. Je suis rendu. Sinon, je conduis pas tant souvent, mais à chaque fois que je conduis puis que je vois une pancarte de traverse qui annonce une traverse de chevreuil, je me sens mal parce que, bon, je sais que les chevreuils savent pas lire. Mais ils doivent bien se reconnaître, eux autres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un énorme malentendu humain-chevreuil. C'est comme 3-4 chevreuils qui marchent relax, puis là, ils sont comme « Hey, c'est nous autres! Oh, wow, on peut passer ici en sécurité! Oh, wow! Checkez ça, il y a même 2 spotlights! Oh non, Rudolph! Embuscade! » Puis là, ils partent tous à courir dans des directions différentes. Deer down! Deer down! Mon imitation de... Non, mais... Deer down, écoute. On essaie ce qu'on peut, l'ami. Non, mais c'est pas... Non, c'est... Pour vrai, c'est calme un peu. Moi, ma vraie théorie, c'est qu'il y a un groupe de chevreuils à quelque part qui sont un peu comme les Jackass puis qui se pitchent devant un char. Mais rien qu'un t'es pas game. Non, c'est juste que j'ai beaucoup de difficultés à gager de l'intelligence de tout ce qui a des sabots dans la vie. Non, c'est basé sur le fait que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vivre, c'est tout. Sinon, je suis pas tant une bonne personne. Ben ouais, on est au lundi douteux, je pense connecter avec vous autres. Sinon, je sais pas pourquoi, mais ma mère récemment m'a demandé si jamais j'ai un enfant, mais qui est aveugle, est-ce que je l'aimerais autant? Tu sais, j'étais comme, ben oui, t'sais, c'est sûr, je vais l'aimer, c'est sûr. Mais c'est sûr aussi qu'un jour, à un Noël, je vais dire que j'ai acheté une belle TV 3D. Ah oh, ouais, il écouterait tout le temps Musique Plus, mais dans le fond, c'est parce que je suis une popée radio. Oh. Sans faire, je serais un bon père pour lui. T'sais, à sa fête de 8 ans, j'inviterais tous les autres enfants de sa classe, toutes. Puis je ferais rien que des jeux du genre La cachette dans le noir, La queue de l'âme, puis à la fin une piñata, juste pour rappeler aux autres élèves à quel point le mien il est dominant dans l'obscurité totale. Ah ouais, ces 3 jeux-là montrent qui sait en permanence t'es où, qui frappe fort puis qui est précis. Pourquoi tu penses que tous les enfants paniquent quand la prof ferme les lumières? Ah ouais, c'est ça, ils l'ont vu Simon décoller un âne avec un bâton. Le soir, ils seraient tous chez eux comme « Papa, papa, j'ai peur, il y a un Simon dans mon garde-robe! » Je pense pas que je suis pas méchant, j'aime juste rire dans la vie. Si jamais un jour j'ai la chance d'utiliser une machine à voyager dans le temps, la seule chose que moi je ferais, j'irais au début de l'humanité, à l'époque d'Adam et Ève, puis je ferais juste leur dire « Ouais, ben c'est ça, le fruit dans l'arbre, ça s'appelle un pénis. » Puis ce que t'as entre les jambes, toi, Adam, c'est une pomme. Puis c'est tout. Je reviendrai à notre époque, puis je serais juste profité d'entendre des petites choses du genre « Ah, oh, tu sais, un pénis par jour éloigne du médecin pour toujours, hein? » Hey, Sylvain! Pour la troisième fois cette semaine, veux-tu bien rincer les pénis avant de les donner aux enfants? Pas vrai que nos jeunes vont commencer à manger des pénis sales? Ah, oh, l'automne passerait de la saison que j'aime le moins à ma préférée. Ah, oh, toutes les couples posteraient sur Facebook des photos cute d'eux autres au pénis. Ah, oh, il y aurait une chier de commentaires du genre « Oh, wow, vraiment un beau couple! » En passant, de loin les plus gros pénis que j'ai vus de ma vie. Sont-ils juteux? Est-ce que ton père va faire son fameux jus de pénis à la main? Tante Daniel, XXX. Merci, je vous laisse là-dessus. La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web. Radio-H2O.ca. Everybody put your hands up and say, welcome to Valentine's Day. Do the roll and pump up the beat on the floor and say, with me. Calme-toi, calme-toi. Je ne danserai pas ce soir. Ma blonde va m'en vouloir. Je ne veux jamais danser. Es-tu en forme, brouhaha? Ah, je voyais avec ces lunettes-là. Tu veux-tu des lunettes de cinéma? Tu veux-tu des lunettes de cinéma? Tiens. Voilà. Y en a-tu qui en veulent, des lunettes de cinéma? Tiens. L'Halloween. Déguise-toi en 006. Alors, c'est l'encan. C'est l'encan. On vend des cossins. As-tu vu ma jarretière? Ça me rappelle que tantôt, j'étais allé pisser puis il y avait un poil qui était plus long que mon pénis. Je me suis dit, c'est le temps, peut-être que je me rase. Sinon, on commence avec le premier lot, si tu veux m'apporter le premier lot. Alors, ce sont des cassettes audio. Hein. Ça, des cassettes audio, ça part au prix que tu veux. Donc, 1$ qui... c'est des cassettes audio, là. Je sais pas, il y a Madonna là-dedans, il y a... Beau Dommage, une collection de tunes des années 50. Il y a le groupe TDK des 90. TDK des 90, ça, c'est 90 minutes de pur plaisir, hein, sur deux côtés, 45 minutes chaque côté. Alors, ça part à 1$. 3$! 3$ ici, 3$. Alors, qui me dit plus? 3$ une fois. 3$... Il y a un rack aussi, hein? 3$ deux fois, il y a un rack à cassette. Tu peux mettre tes propres cassettes. 3$ trois fois, décalé avec tes cassettes. Bravo! Bravo! Deuxième lot, on passe au deuxième lot. Alors, c'est un lot de cassettes VHS, hein, car le VHS, hein, c'est VHS. Bon. Alors là, t'as les trois rois ici. T'as une multitude, hein, de films. Kurt Russell avec une décision au sommet. Ça suce. Hein? C'est de la stimale. Mais on t'en va pareil. Et on a, en plus, ça c'est gros. On a trois cassettes, hein, qui sont un peu de l'érotisme. Et du Playboy et Penthouse. Et ça, c'est une époque révolue, hein? Et ce n'est pas écrit Point Torrent en arrière. Et notre pièce de résistance VHS, c'est les trois premiers Indiana Jones. Écoute, c'est quasiment bon. Fait que tu y vas comme ça te tente. Moi, je pense ça à 1$. Qui me dit tout. Je t'en donne deux autres si tu me donnes 2$. 1$. Alors, qui dit plus? Qui dit moins? Moins. 1$. Tu veux qu'il y ait un sac avec, comment? 3$ ici! Yeah! Oh! Coralie, tu c'est es convaincante! Bon, 3$ une fois! Hey, comment on le sait, c'est oublié, hein? Non, je le sais, Damien, toi, t'as pas d'argent, mais on vit un peu la même situation, 3$ deux fois! VHS, 3$ trois fois vendu, Coralie! Il y a de la pointe. Pour les gars, j'imagine, en tout cas, en même temps, je connais pas vraiment tes orientations, Coralie. Je pense que tu peux encore. Écoute, là, Je ne sais pas nommer le tiers des films. Il y a le dernier des Mohicans, version originale. Hallucine ta vie, tu sais. Ça me fait capoter. Sinon, le troisième lot, c'est pour décorer ta salle de bain ou l'endroit où tu redimais Cédric. Tu pourras te commander une allemande, c'est 18 000 $ en partant sur les internets noirs. Alors, on a celui-ci, qui est un cadre qui nous est revenu d'un long voyage. Il part à 50 cents. Et ça, c'est un original. Je tiens à te le dire, tiens dans les arts. C'est un original, un Maurice. Oh, ça a l'air beau. Fait que moi je connais rien à l'or. Donc ça part à 1 $ pour les deux. Alors qui me donnerait 1 $ pour ça? Ben 1 $. 1 $ pour ça. Bruno, t'es convaincu? Mais c'est difficile, peindre des yeux! Ça a l'air super dur à peindre. Clairement, c'est un travail. 1 $ deux fois. Il y a des couleurs dessus, ça a dû coûter 3,50 à fabriquer pour vrai. 1 $ trois fois, décalé ça avec ça, on va les remettre en arrière et on te les vend la semaine prochaine. Alors, on continue avec un magnifique bobblehead du film Anchorman. Oh! Voilà, c'est un des acteurs. Je sais pas si c'est Will Ferrell. C'est Will Ferrell. Pour vrai, on s'entorche, mais si on s'entorche pas, ça part à 1 $. Alors, qui me donne 1 $ pour un bobblehead de Anchorman qui vaut sûrement 35$ quelque part? Il est super échafté, ce gars-là! Quand 1 $ là-bas, ici? 1 $ du technicien, ici? Qui dit plus de 1 $? 2 $ ici, Mathieu Potvin, un convaincu. 2 $ une fois! Combien? 3,25. Ouais, c'est 50 dans ce temps-là. Bon, wow, 3,25, mais on reste quoi? 3,25 une fois, mon ami. 3,25. Combien? 2,25. Deux fois. 2,25. Trois fois. Décalisse avec ça. Et c'est la première fois que je fais l'encan. Et je dois dire que je suis pas super satisfait de ce que j'obtiens comme prix. Mais en même temps, je te le dirai pas, c'est de la cochonnerie qu'on te vend. Sauf ça. Sauf ça, parce que ça, c'est une... un toutou de Alien. Oh! Et c'est la... Et c'est mint, hein? C'est tout à fait mint. Là, il est mort, il a étouffé dans le sac. Et ça, c'est la bébite qui revole dans le visage du gars. Face on girl! C'est un facehugger, OK? Et il est gentil. Il fait un sourire. Il est content d'exister. C'est une créature qui vient de l'enfer. OK? C'est super dangereux et très, très doux. Ça part à 1 $, mon chanceux. Qui dit? 2 piastres. Ah, oui, on est pauvre. 2 piastres, ça part. 2 piastres, ouais, je sais pas. 3 $. Voilà, 3 $ ici, là, je vois. Ah oui, la personne qui fait des signes, oui, oui, on va t'envoyer quelqu'un. 3 $. Une fois! 4 $. 4 $ ici. Hein? Qui ne rêve pas de se faire mettre des œufs dans le corps? 4 $, deux fois comme ça. 5 $, j'ai entendu 5! 5 $, une fois. 6 $ ici. 6 $ une fois et 6 $ deux fois. 6,50, il se relance, mesdames et messieurs. 7 $, je montre mon pénis, mais dans le coin. 7,50 $ vendu, merci. Pas trop long. Alors, la très charmante Caroline, hein, qui m'appartient, Passez le Yuki, fait que si vous voulez mettre vos 50 cents qui restent dans le cul du chien, ça nous aiderait en tabarnak. Comme ça, on va pouvoir vous donner des VHS encore pour vous faire écouter des choses le fun comme ça. Et sinon, ben, je passe le micro à mon ami, l'homme de la situation, l'homme lézard de la soirée, Tommy Godet, mesdames et messieurs! Merci beaucoup, Mathieu Boudreau. J'ai beaucoup aimé ton encasse. C'est froid, il n'y avait pas de fluff là. On prend personne pour des caves, on y arrive, on vend des hosties de cossins. Le film qui s'en vient, c'est un long métrage qu'on a passé une seule fois ici. Et je pense que c'est un des seuls longs métrages de ce février chanceux qu'on a passé une seule fois ici. Whitefire, version française de Diamant, version française Vivre pour survivre. Et moi et Bruno, on a déjà parlé pendant plusieurs heures. Est-ce qu'on peut vivre sans survivre et est-ce qu'on peut survivre sans vivre? Donc, le long métrage qui s'en vient vient à la troisième semaine de ce février chanceux. Et les longs métrages qu'on a passés avant, c'est Deadly Prey puis Le Samouraï de Los Angeles. Ces deux longs métrages de qualité confirmés, géniaux et tout le reste. Donc, ce qui s'en vient, vous pouvez mettre ça sur un pied d'égalité. C'est surtout au niveau du scénario que Whitefire est douteux. Parce que Jean-Marie Pallardy, qui est un Français qui a eu de l'argent turc pour faire un film avec des Américains en Turquie, il a comme envie de sa sœur. Pour vrai, là, le film au complet est bâti pour que le gars fourre avec sa sœur. Ben, pour les standards 1987, elle est très cute. C'est sûr, c'est tout ce qu'elle mérite. Donc, à partir de maintenant, on va écouter un long métrage qui est au moins à moins 8,5 et c'est sûrement le scénario le plus douteux de toute la vie, supporté par des dialogues fades. Excusez. Et on est devant, on est ensemble. Salut Stéphanie, je suis content de te voir. Là-dessus, je tombe le micro, on écoute Whitefire. Merci à tout le monde. Je viens de vivre une calisse de belles soirées. Il y a toutes sortes de monde. Il y a Alexandre, Nico, Nicolas Davio. Alexandre, il est là depuis avant que moi j'arrive. Puis moi, je suis arrivé avant tout le monde ici, sauf Alexandre. Merci, Alexandre. J'ai plus rien à dire, c'est le long métrage. C'est pour ça qu'on est là. C'est Whitefire.